C'est l'observation qui a suggéré aux sages cette pensée dont la pratique est certaine. Que l'homme qui possède beaucoup manque de beaucoup de choses et qu'une grande indigence prend sa source non dans une grande disette, mais dans une grande abondance. Riche, on éprouve de nouveaux désirs afin de conserver ce que l'on possède déjà. Aussi, l'homme comblé de biens désire-t-il se mettre à l'abri du besoin, se garantir de l'indigence. Qu'il fasse en sorte que sa fortune diminue et non qu'elle augmente. Moins il possédera, moins il aura de besoin. Je me souviens qu'un jour Favorinus exprima en quelques mots cette pensée aux applaudissements redoublés de ses auditeurs. Voici ses expressions. Il n'y a pas de raison pour que celui qui peut avoir 15 000 manteaux n'en veuille pas avoir davantage. Suis-je tourmenté du désir d'acquérir plus que je ne possède? Je retranche une partie de ce que j'ai, et ce qui me reste me suffira.